Section 45 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e, l'Europe féodale, les croisades, 1095-1270, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Section 45, chapitre 9, le commerce et l'industrie au Moyen-Âge. Première partie, du 9e au 13e siècle, par Arthur Giry et André Réville. Renaissance du commerce. La société féodale, au XIe siècle, sembla se réveiller lentement d'un lourd sommeil. La passion des voyages, des aventures, secoua tout à coup l'universelle torpeur. C'est la conquête de l'Angleterre, des deux Siciles, du Portugal. Ce sont les guerres en Catalogne contre les Maures d'Espagne. Ces expéditions sont politiques ou religieuses, mais elles ont des conséquences commerciales, car des relations s'engagent entre les provinces d'où ces conquérants sont partis et les terres où ils plantent leurs bannières. Dès lors, les marchands de Rouen trafiquent en franchise à Londres, où un comptoir leur est réservé, et dans les ports anglais. Ils y expédient des vins de France, des étoffes, des armes. Ils y cherchent des laines et des métaux. C'est à la fin du XIe siècle que les produits du Midi font leur apparition dans le Nord. Soieries d'Almeria et de Carthagène, chevaux, barbes d'Espagne, citrons, oranges, vins de la Sicile et de l'Italie méridionale. Bien plus efficace encore fut l'habitude alors nouvelle des pèlerinages lointains qui peu à peu gagna jusqu'aux masses. Puis viennent les croisades. Deux mondes qui s'ignoraient l'un l'autre se rapprochèrent. Deux civilisations, jusque-là étrangères entre elles, se pénétrèrent. Ces relations, qui débutèrent par la guerre entre croyants, aboutirent à des affaires entre négociants. Aussitôt, le commerce méditerranéen se ranima. Non seulement Venise, Gênes, Pise s'enrichirent en transportant en Palestine ou à Byzance d'innombrables pèlerins et croisés, mais elles ne tardèrent pas non plus, au lieu d'acheter sur les marchés de Constantinople les denrées et les produits de l'Orient, à les chercher en plus grande quantité et à meilleur compte, à la source même, dans ces portes du Levant, où aboutissait la route des caravanes de Damas et de Bagdad. Après la prise de Constantinople, Venise eut un quartier à elle dans la ville. Elle prit possession de presque tous les ports de l'archipel et de la mer Ionienne. Elle eut des comptoirs sur les bords de la mer Noire, à Alexia, à l'embouchure du Dnieper, à Soldaïa, Soudak, en Crimée, à Tana, sur la mer d'Azov. C'était autant de centres de trafic avec la Russie méridionale, les populations du Caucase et de la Caspienne, l'Arménie et la Perse. Déjà, la Syrie et l'Asie mineure étaient enveloppées par un réseau de points de pénétration. Restait la côte d'Afrique. Pise obtint des princes musulmans d'Égypte et de Tripoli la permission de faire le commerce avec leurs sujets. Venise et Gênes s'assurèrent les mêmes faveurs. L'Orient tout entier s'ouvrait ainsi aux Italiens. Puis, à l'exemple de Venise, de Gênes et de Pise, d'autres cités aussi comme Barcelone, Narbonne, Montpellier, Marseille entrèrent en rapport avec les infidèles. Ce fut le commencement de leur prospérité. Bientôt, la Méditerranée devint le foyer d'affaires le plus actif du monde, et sur ses bords allaient se reconstituer de grands centres urbains. Par contre-coup, cette rénovation locale entraîna une renaissance générale du trafic en Europe. Les cités du Midi, recevant en abondance les denrées de l'Orient, en approvisionnèrent tous les pays, leur demandant en échange les produits de leur industrie ou de leur sol. Ainsi se dessinèrent des courants et des contre-courants commerciaux qui percèrent la vieille Europe de part en part. Renaissance de l'industrie. Le trafic se ranimant, l'industrie devait forcément se développer. Durant les jours d'isolement qui précédèrent cette renaissance, chaque domaine se suffisait à peu près à lui-même, n'achetait presque rien au dehors, ne vendait presque rien, et produisait seulement ce qu'il fallait pour vivre au misérable qu'il habitait. Qu'aurait-on fait du superflu? Ainsi, le travail industriel était réduit au minimum strictement indispensable. Et quand il se forma de nouveau une classe de négociants qui remontait les fleuves, pénétrait sur les terres naguère fermées, mettait en vente des denrées recherchées ou des objets utiles, le travail fut sollicité, activé. Le nécessaire assure l'existence, mais c'est le superflu qui donne du charme à la vie. On visa au superflu. Chacune de ces petites communautés régionales travailla, non plus seulement pour se nourrir, se vêtir et s'armer, mais bien davantage pour vendre l'excédent dont elle ne tirait pas elle-même parti. Aussitôt, la production augmenta. De plus, elle ne tarda pas à se diviser. Auparavant, elle était presque partout de même nature. Les artisans étaient en même temps des cultivateurs. Du jour où la civilisation renaissante eut mis un terme au morcellement économique, chaque zone s'adonna d'une façon toute spéciale au genre de travail dans lequel elle pouvait exceller. Chaque personne put pratiquer exclusivement un métier à son choix, car les producteurs furent assurés désormais de trouver un marché pour leurs produits. L'agriculture resta le propre des uns. L'industrie fut le lot des autres, et celle-ci se partagea en une série de métiers distincts. Ici, l'on fabriqua des étoffes, là des armes, ailleurs de l'orfèvrerie ou des objets de luxe. Sans doute la division du travail, qui est le principe de tout perfectionnement dans la technique, était peu avancée encore. Et cependant, dès cette époque, elle commence à se développer. Chaque région, chaque fabricant se crée une spécialité. Ainsi, non seulement l'échange devait stimuler la production, mais c'est lui aussi qui permit à l'artisan de vivre exclusivement de son travail industriel, qui fit de l'industrie une forme d'activité indépendante, qui rendit possible la reconstruction de grandes villes et la révolution communale. D'autre part, l'industrie des infidèles provoqua l'admiration naïve des chrétiens. La religieuse allemande Roswitha, au Xe siècle, appelait Cordoue le joyau du monde. Dès la première moitié du XIIe siècle, les chansons de geste décrivaient les merveilles de l'Orient, les riches étoffes de Syrie, les tapisseries de Perse, les perles, les pierreries, les parfums d'Arabie et de Palestine. L'Europe se mit à l'école de la civilisation arabe et la production en Occident se transforma. C'est des Arabes que nos ancêtres apprirent à fabriquer des étoffes de luxe. Tripoli, Antioche, Tyr, Tortose, Tibériade tissaient la soie. De là nous vint cette industrie qui devait faire la fortune de Venise, et plus tard d'une partie de la France. De là nous vint aussi l'art, connu dès le Moyen-Âge, de fabriquer le satin, le velours, les étoffes brochées d'or ou d'argent, ou les tissus légers comme la mousseline, la gaze, le sandal, le taffetas. Depuis l'Antiquité, l'Orient excellait à faire de moelleux tapis. Les artisans d'Europe s'efforcèrent de s'assimiler ce talent, et dès le temps de Philippe le Bel, il y eut à Paris des ateliers où l'on faisait des tapis sarrasinois. Les tentures du Levant étaient fameuses. L'indigo du Jourdain, le rouge de Damas, le safran, l'orzeille, le bois de Santal passèrent en Occident, et avec eux l'usage de l'alun pour fixer les couleurs. Si Venise sut bientôt couler le verre et tailler les glaces, ce fut à l'école des villes de Syrie. C'est encore aux Arabes que l'Occident emprunta l'art de faire le papier, la confiserie, les sirops. De la même source, enfin, nous vinrent certaines espèces dont la culture devait susciter des industries nouvelles, comme le chanvre et le lin, qui rendirent possible la fabrication de la toile, comme le mûrier et la canne à sucre. les premiers ouvriers qu'on ait vus en Europe occupés à faire du sucre furent installés en Sicile, en 1239, par l'empereur Frédéric II. Les résultats furent immenses. La draperie transformée, l'Europe initiée à la fabrication du linge, les industries de luxe acclimatées en Occident. La production se diversifiait et la technique se perfectionnait. La révolution économique était complète. Toutefois, les effets bienfaisants de cette transformation commerciale auraient été plus lents à se révéler si la société n'avait subi alors une transformation politique qui leur fut éminemment favorable. L'anarchie du Xe siècle, si rude à qui travaillait de ses mains, s'atténua. Trêve de Dieu, chevalerie, etc. Enfin, toute la société de ce temps fut entraînée dans un mouvement de concentration. Les grands états féodaux, les royaumes se constituent. De simples notions économiques s'ébauchaient dans l'esprit des princes. Loin de les détrousser, ils attiraient maintenant les trafiquants, installaient des marchés et des foires sur leurs terres, invitaient des artisans à venir se fixer dans leurs villes. Ils s'efforçaient, en un mot, de stimuler le travail chez leurs sujets, convaincus qu'en les enrichissant, ils s'enrichissaient eux-mêmes. Le commerce domine l'industrie au Moyen-Âge. Un fait digne de remarque, c'est que dans cette renaissance générale, l'industrie ne fit que suivre le commerce. Des courants de trafic s'établirent d'Orient en Occident, les marchands firent alors appel à l'industrie d'Europe et ainsi se formèrent lentement, sur les principales voies de l'échange, des foyers de production. L'offre des artisans fut étroitement subordonnée à la demande des négociants. Ce caractère devait se perpétuer à travers le Moyen-Âge. L'industrie, en effet, au moins l'industrie d'exportation, resta l'humble servante du commerce. L'artisan ne quittait pas sa résidence, il n'allait pas aux foires acheter ses matières premières, il en ignorait la provenance, et quand il avait achevé un produit, il n'en savait pas la destination. Sa besogne était celle d'un manœuvre. Le véritable dispensateur du travail, l'entrepreneur, c'était le négociant, ou comme on disait, le marchand. Il n'ouvrait pas de ses mains, mais il fréquentait les marchés, les foires. Il approvisionnait l'industriel de ses matières premières, et quand la main-d'œuvre les avait transformées en objets fabriqués, il les rachetait pour en trafiquer au loin. L'artisan opérait donc sur la commande des marchands. Il produisait dans la mesure où ceux-ci le lui demandaient. Le commerçant était la tête, l'industriel n'était que le bras. Le premier possédait une sorte de prérogative économique et se réservait les plus beaux bénéfices. Dans cette classe se recruta partout l'aristocratie bourgeoise des villes. Entrave au commerce local. Et cependant, si brillante qu'ait pu être la renaissance économique qui ranima l'Europe au XIe et au XIIe siècle, le trafic au Moyen-Âge fut loin de recevoir tout le développement dont il était susceptible. D'abord, le commerce local, celui qui se fait dans l'enceinte d'une ville ou à l'intérieur d'un district, était à peu près nul. Aujourd'hui, si l'on fait exception de certaines industries de modeste envergure, il est rare que le fabricant offre directement au public les produits de son travail. Entre le producteur et le consommateur, il y a un ou plusieurs intermédiaires. Le Moyen-Âge avait horreur de ces intermédiaires, des régratiers, des forestallers, comme on les appelait. Il avait trouvé son idéal économique dans la théorie du juste prix, fondée à la fois sur des principes théologiques et sur des expériences quotidiennes, en vertu de laquelle chaque chose doit se vendre pour une certaine somme, équivalant d'abord aux frais de revient et assurant de plus au producteur une rémunération honnête pour son travail. Tout industriel était tenu d'avoir boutique et vendait au détail. De même, aussi, les producteurs, habitant les faubourgs ou les environs d'une ville, n'étaient autorisés à apporter leurs marchandises à l'intérieur des murs qu'à la condition de les offrir directement aux consommateurs sur la place du marché. Et s'ils rencontraient en chemin un commerçant qui leur offrit de leur acheter d'un coup leur cargaison entière afin d'en trafiquer, ils devaient repousser cette transaction et celui qui la proposait devait être poursuivi. Ayant accaparé les marchandises, il aurait pu les vendre aux conditions qu'il eût voulu. que serait devenu le juste prix. Les ordonnances destinées à réprimer ce commerce illicite furent très nombreuses, surtout en Angleterre. Et l'on vit des hommes qui s'étaient hasardés à braver ses défenses, condamnés au pilori. Toutefois, quand de grands centres se reformèrent et que la vie urbaine dépouilla tout caractère rural, il fallut bien tolérer certaines corporations de rigratiers. Les marchés ne se tenaient qu'une ou deux fois par semaine. Dans l'intervalle, la population devait se nourrir. Alors s'ouvrirent des échoppes où des marchands vendaient journellement des produits que d'autres avaient récoltés ou fabriqués. Il y eut à Paris, au XIIIe siècle, des rigratiers de fruits, de légumes, de beurre, d'œufs et de fromage, des poulaillers aux marchands de volailles. En Flandre, dès la première moitié du XIIIe siècle, presque tout le commerce en gros dans les villes allois, c'est-à-dire dans les communes, se faisait par l'intermédiaire de courtiers assermentés. Mais que la res jurait. Presque partout, leur office était l'objet d'une réglementation minutieuse. Généralement, le nombre de ces intermédiaires était limité. Ils étaient responsables des marchés qu'ils avaient conclus. Leurs services étaient obligatoires et tarifés. Et les villes prélevaient une part de leurs bénéfices. Surtout, il leur était interdit d'être à la fois marchands et courtiers. Mais ces quelques exceptions n'affirment pas la règle. Il y eut fort peu de commerce local au Moyen-Âge. Entrave au grand commerce, les routes, les ponts, les hôtelleries. Quant au grand trafic, c'est d'un autre côté qu'il rencontra des obstacles. La première difficulté dont les négociants avaient à triompher provenait du mauvais état des routes. Il n'y avait rien dans les différents pays qui ressemblât à une administration des ponts et chaussées. Beaumanoir assurait qu'il fallait distinguer en théorie cinq espèces de chemins. Le sentier, la carrière ou route charretière, large de 8 pieds. La voie, large de 16 pieds. Les grandes routes qui mesuraient 32 pieds et les routes de Jules César, larges de 64 pieds, qui correspondaient aux voies militaires de l'Empire romain. Mais ces distinctions ne représentaient rien de réel. Si les seigneurs hauts justiciers avaient, parmi leurs attributions, le devoir de surveiller les chemins et de les réparer, en fait, l'entretien des chaussées dépendait de l'arbitraire et de la bonne volonté des riverains. Où commençait la négligence, dit un historien des routes anglaises au Moyen-Âge, les ornières commençaient. Ou, pour mieux dire, les fondrières. Cette négligence était trop humaine pour ne pas être générale. Les carrioles, il est vrai, étaient de lourds et de solides véhicules, pouvant supporter les plus rudes chaos. Les cavaliers et les piétons étaient durs à la fatigue. N'importe, c'était un réel obstacle pour le commerce. Le roi d'Angleterre, Édouard III, était forcé d'avouer que toutes les voies des environs immédiats de Londres étaient en si mauvais état que les charretiers et les marchands sont souvent en danger de perdre ce qu'ils apportent. En 1339, les députés convoqués au Parlement ne purent arriver à Westminster au jour fixé parce que le mauvais temps avait partout rendu les chaussées impraticables. Les ponts étaient rares au XIIe siècle. Ceux que les Romains avaient construits étaient tombés en ruine. On les avait rebâtis en bois ou remplacés par des ponts de bateaux ou même par de simples bacs. En beaucoup d'endroits, il fallait passer à gué. Qu'une crue survint, que la pluie grossit les eaux, bêtes et gens se noyaient. L'Église, il est vrai, s'en préoccupa et fit de la construction et de l'entretien des ponts une œuvre pie. Un jour, un jeune pâtre du Vivarais, Bénezet, ou le petit Benoît, crut entendre Jésus-Christ lui commander de bâtir un pont sur le Rhône, à Avignon, rendez-vous des pèlerins qui partaient pour Rome. Il gagne, à force de conviction, l'évêque et le viguier, enrôle par milliers des ouvriers et des paysans, trouve dans les ruines romaines les matériaux indispensables. Et de 1177 à 1189, le pont d'Avignon est construit. La même association entreprend de remplacer le pont de Lyon, construit en bois, et qui s'était écroulé par un pont de pierre. Mais elle ne peut élever qu'une seule arche, et l'œuvre ne sera achevée par la municipalité que 2 siècles plus tard. Des moines ou des sociétés charitables édifient le petit pont de Paris, le pont Saint-Esprit, et en Auvergne, de 1265 à 1309, les ponts sur la Dore, l'Allier, la Dordogne, la Sioule. En Angleterre aussi, ces travaux avaient reçu de l'Église un caractère de piété. Pour encourager les fidèles à s'y livrer, Richard de Kellarn, évêque de Durham, 1311-1316, leur promettait les plus augustes récompenses, et les registres de sa chancellerie portent souvent des mentions de ce genre, mémorandum. Monseigneur a accordé 40 jours d'indulgence à tous ceux qui puiseraient dans le trésor des biens que Dieu leur a donnés pour fournir à l'établissement et aux réparations du pont de Bottilhome des secours précieux et charitables. Les confréries laïques, appelées guilds, avaient aussi, parfois, pour objet d'entretenir des ponts et des chaussées. Enfin, certaines personnes, à qui leur opulence permettait ses largesses, croyaient faire œuvre méritoire en édifiant à leurs frais une voie de passage sur les rivières. N'oublions pas cependant que le pont de Londres, qui fut achevé en 1209 et qui fit l'admiration de toute l'Angleterre, fut élevé par les soins du pouvoir royal. En dépit de ses efforts, le nombre de ces ponts semble avoir été bien insuffisant, et souvent la solidité des arches était si peu rassurante que le voyageur n'osait s'y aventurer sans recommander à Dieu son chargement et son âme. Ce n'est pas que les ressources nécessaires à l'entretien de la maçonnerie fissent toujours défaut. Tantôt une confrérie se vouait à cette tâche, tantôt le fondateur dotait sa création d'immeubles dont les revenus étaient destinés à cet usage. Quand, par exemple, la reine Mathilde fit construire 2 ponts à Stratford-at-Bow, au XIIe siècle, elle céda une terre et un moulin à l'abbesse de Barking, chargée à perpétuité des réparations. Parfois, le pont supportait une chapelle, et les offrandes des fidèles étaient consacrées à ce même objet. Presque toujours, enfin, un péager prélevait sur les passants un droit de pontage, et en retour, il s'engageait à faire les travaux nécessaires. Il plaçait des barres de fer en travers du passage et ne le retirait qu'en raison d'arguments sonnants. Mais tous les concessionnaires n'étaient pas d'austères et fidèles gardiens. Ils prélevaient l'argent, mais jugeant sans doute que la construction durerait bien autant qu'eux, ils en pensaient faire le meilleur usage en l'employant à leur profit. D'ailleurs, le mauvais exemple partait de haut. Le roi Henri III remit les vastes revenus du pont de Londres à sa femme très chère, qui s'appropria sans scrupule les rentes de l'édifice. Le pont de Londres, faute d'entretien, fut bientôt en ruine, et pour subvenir aux réparations, il fallut quêter par tout le pays auprès des personnes de bonne volonté. Il était trop tard. L'hiver de 1282 fut rigoureux. La neige et la gelée creusèrent des crevasses dans le tablier, et 5 arches s'écroulèrent. Ces désastres n'étaient pas rares, et les ponts qui ne tombaient pas n'en valaient guère mieux. Quand, en 1839, on démolit celui de Stratford-at-Bow, on s'aperçut qu'une arche avait été percée à jour, tant les roues avaient creusé dans la pierre de profondes ornières, tant les fers des chevaux avaient usé le pavé. En 1376, les communes de plusieurs comtés d'Angleterre se plaignaient au Parlement qu'un pont sur la Trent, non loin de Nottingham, était en ruine, et que souvent les cavaliers, les voituriers qui s'y aventuraient, se noyaient. Les routes n'étaient pas seulement périlleuses, elles étaient souvent solitaires, surtout dans les pays montagneux, et le marchand risquait d'y chercher en vain le foyer, le souper et le gîte. Ici encore, l'Église vint à son secours dès la fin du Xe siècle. Les passages des Alpes et des Pyrénées furent jalonnés de maisons monastiques qui faisaient fonction d'hospices. Les plus célèbres de ces créations furent celles du Grand et du Petit Saint-Bernard. Sur les âpres plateaux du centre de la France, de semblables refuges furent installés, et dans les sombres nuits de tourmente ou de tempête, la cloche des ermitages sonnait à toute volée pour guider le voyageur égaré. Enfin, sur les grandes routes, surtout dans le voisinage des ponts, il n'était pas rare de rencontrer des auberges du même genre où se coudoyaient le pèlerin et le trafiquant. Les péages et les coutumes. Moins terribles mais plus onéreux étaient les innombrables droits qui pesaient sur le transport des marchandises et que l'on désignait sous le nom général de péage. À la faveur de l'anarchie du IXe et du Xe siècle, les seigneurs les avaient multipliés à l'infini. Le procédé était simple. Ils barraient un chemin ou une rivière et ne laissaient passer les trafiquants que moyennant finances. Les premières fois, ceux-ci protestaient, mais force leur était de se soumettre, et au bout de quelques années, l'usage faisait loi. À mesure que le pouvoir royal s'affermit et prit conscience de ses devoirs, il essaya à maintes reprises de réduire le nombre de ses taxes. Il rappela aux seigneurs qu'il devait en consacrer le produit à l'entretien des fleuves et des routes. En 1254, le Parlement condamna le seigneur de Crèvecœur à restituer à des marchands ce qu'il leur avait indûment enlevé. Vains efforts, le nombre de ces péages resta très grand. Encore au XIVe siècle, on en comptait 74 sur la Loire, de Roanne à Nantes, 12 sur l'Allier, 10 sur la Sarthe, 60 sur le Rhône et la Saône, 70 sur la Garonne ou sur les routes de terre, entre la Réole et Narbonne, 9 sur la Seine, entre le Grand Pont de Paris et la Roche-Guyon. Ces taxes se levaient sous les prétextes, sous les noms les plus divers. Péage sur les ponts et sur les rivières, cossiage ou droit de circulation sur les routes, caillage ou rivage ou droit de quai, portage ou passage des portes des villes, conduit ou travers, correspondant à ce que nous appellerions aujourd'hui droit de transit. Chaque marchandise avait son tarif. Une cargaison de draps qui traversait le territoire parisien, compris entre Montlhéry, le pont de Charenton, Meaux, Senlis, Beaumont, Pontoise, Poissy, payait 4 sous par char, 2 sous par charrette, 1 sou par charge de cheval. Souvent aussi, au moins jusqu'au XIIIe siècle, la taxe s'acquittait en nature. Ainsi, en 1218, tout marchand étranger qui passait par Saint-Omer ou par la banlieue de cette ville pour aller vendre des épices en Angleterre devait au châtelain 1 livre de poivre. Sur tout bateau portant du sel et passant à Maison, le receveur du seigneur de Poissy prélevait 1/7 de cette denrée. Certains de ces paiements étaient, il est vrai, moins dispendieux. Quand un jongleur se présentait à la porte du petit châtelet de Paris, il n'était redevable que d'un verre de chanson, un montreur de singes faisait jouer sa bête devant le péager, et moyennant cet hommage, il était quitte. Ces droits variaient suivant la nature, la provenance et la destination des marchandises. Ils variaient aussi suivant la qualité des personnes. Le tarif de Montlhéry portait que le juif à pied paierait aussi cher qu'un cavalier ou un cheval de bât. D'autre part, les clercs et les nobles étaient généralement exemptés de tout droit. On devine sans peine le tort qu'un pareil système devait faire au commerce. Non que les taxes fussent très élevées, au contraire, elles étaient assez modérées, mais en morcelant ainsi les prélèvements, en arrêtant les trafiquants à tous les coins de route, le fisc entravait sans cesse leur marche, leur faisait perdre un temps précieux. De plus, le mode de perception était de nature à détériorer les marchandises. Quand un bateau passait à Maison, chargé de vin, le receveur du sieur de Poissy était autorisé à mettre 3 tonneaux en Perse et à prélever plus de 15 litres du vin qui lui plaisait le mieux, ce qui n'était pas fait pour l'améliorer. De même, les religieux de Saint-Julien de Beauvais faisaient payer un droit de 3 deniers par cheval aux commerçants qui passaient à Milly, entre autres aux chasse-marées qui apportaient en hâte le poisson de mer à Paris. Les jours d'abstinence, ils déballaient les paniers, choisissaient les meilleures pièces, en prenaient d'après leur estimation pour 3 deniers. Le poisson était mis au pillage. La marchandise arrivait à Paris gâtée. Le Parlement finit par intervenir en 1314. Enfin, les péagers, nés malins, imaginaient 1000 moyens ingénieux mais vexatoires d'accroître leurs ressources. Les uns, établis loin des grandes voies, forçaient les marchands à se détourner de leur chemin pour venir se soumettre à la taxe et saisissaient jusque sur les étaux de vente les biens des récalcitrants. D'autres, à dessein, plaçaient leurs bureaux de perception sur des routes impraticables, invitant ainsi les contribuables à passer ailleurs et à se soustraire au péage. À peine le voyageur avait-il donné dans le piège qu'il était arrêté et condamné à une forte composition. Ailleurs, ils égaraient juste à point le tarif des redevances qui aurait dû être affiché et évaluaient arbitrairement. Beaucoup étaient taverniers, et pour retenir les bateliers à leur auberge, ils multipliaient les formalités et les chicanes, ou s'absentaient par hasard, retardant ainsi le voyage d'un jour ou deux. Sur les marchés, la vente était grévée de droits. Droits d'étalage, de mesurage, de pesage, qui recevait le nom général de coutume ou de ton lieu, d'ordinaire peu élevé, mais toujours vexatoire. Un commerçant, par exemple, même chez lui, ne pouvait débiter au-delà d'une certaine quantité de marchandises sans avoir recours au poids, à la mine ou à l'aune seigneuriale, et cela se payait. Ailleurs, les procédés en usage étaient encore plus exaspérants. Ainsi, l'emplacement des halles à Paris étant devenu insuffisant, le marché aux poissons fut transféré dans une terre de la maison Albic. En guise d'indemnité, celle-ci se réservait certaines taxes sur les transactions. En outre, elle prétendait juger les marchands, fixer les prix. Quand un prix de vente avait été arrêté, un sergent intervenait et diminuait chaque panier de 8, 10, 12 sous, sous prétexte que le dessous était de qualité inférieure. Les marchands eurent beau se plaindre, cet abus dura plus d'un siècle. Quand le roi le supprima, en 1325, il profita de l'occasion à son tour pour doubler ses prélèvements. Insécurité des voyages. Si encore les seigneurs, en retour de ces redevances, avaient fait en conscience leur métier de gendarme, le service aurait amplement justifié le salaire. Mais il n'en était pas toujours ainsi. Et tel qui s'aventurait sur les routes, même au XIIe et au XIIIe siècle, même après la promulgation de la trêve de Dieu, avait lieu de redouter de fâcheuses rencontres. Comment imaginer que partout la police féodale ne fût pas en défaut quand, au centre même du domaine royal, au foyer de l'ordre et de la discipline, le bon Joinville faisait cette constatation inquiétante. Il y avoit tant de naufrageurs et de larrons à Paris et dehors que tous l'Ipaïs en estoit plein. En 1316, le roi écrivait à ses baillis que la Champagne était infestée à tel point de brigands que nul n'osait plus y voyager. Au XIIIe siècle, il est vrai, le roi rendait les seigneurs responsables des méfaits qui se commettaient sur leurs terres. Elle les obligeait à indemniser les victimes ou leurs familles. C'est ainsi qu'en 1263, trois marchands furent dépouillés sur un chemin appartenant au comte d'Angoulême. Le Parlement condamna celui-ci à restituer aux intéressés la valeur des objets dérobés. Mais la perspective d'un assassinat possible, même suivi d'une indemnité, n'était pas attrayante, et puis l'indemnité n'était pas assurée. Un marchand fut tué et volé près d'Arras, en 1265. Ses associés adressèrent leur réclamation au comte d'Artois. Il répondit que le crime avait été commis après le coucher du soleil et qu'à pareille heure, il ne pouvait garantir la sécurité des passants. Enfin, il n'était pas extraordinaire que le seigneur, loin de donner la chasse aux malfaiteurs, fût leur complice. Grégoire VII accusa le roi Philippe Ier d'avoir dépouillé des marchands italiens qui se rendaient aux foires de France. Thomas de Marle, l'un des héros de la première croisade, ne croyait pas déroger en courant les grands chemins. Au XIIIe siècle, il est vrai, ces cas de félonie devinrent plus rares, au moins en Angleterre et en France. Cependant, en 1268, on vit le noble Boson de Bordeaux dépouiller deux trafiquants qui s'étaient placés sous la protection de Saint-Louis. Quant au commerce allemand, du jour où le pouvoir impérial eut sombré dans les désordres du grand interrègne, il fut la proie des rôdeurs, des chevaliers brigands, Raoulbritter, de leurs châteaux, semblables à des nids de vautours, ils fondaient à l'improviste sur les marchands de la vallée, sur les paysans, auxquels ils enlevaient leurs bestiaux, ce qui valait à ces burgraves le sobriquet de chevaliers de vache. Le mal ne devait pas être passager, car au XVIe siècle, il sévissait encore. Le fameux Goetz de Berlichingen ne cessait de guerroyer contre la ville de Nuremberg et de rançonner les commerçants. Aussi, les trafiquants accompagnaient-ils eux-mêmes leurs marchandises. À cheval, l'épée pendue à la selle, leur existence était une vie d'aventure. La mer aussi avait ses hasards et ses périls. Les phares étaient peu nombreux, les naufrages n'étaient pas rares. Or, le droit de Brie, de Varec ou d'Épave adjugeait au seigneur ou à ses tenanciers tout ce qui échouait sur leur côte. Un comte de Léonais se faisait par ce moyen un revenu de 10 000 sous par an, et il aimait à dire que le rocher de Primel était la pierre la plus précieuse de sa couronne. Non moins cupides dans leur naïveté, les paysans des environs venaient brûler des cierges et faire des neuvaines pour obtenir de bons naufrages. On assure même que certains naufrageurs ne reculaient pas devant l'idée d'allumer des feux sur la falaise ou d'attacher des fanaux aux cornes des vaches pour attirer les navires au milieu des écueils. Mille dangers, en un mot, rendaient précaire la condition des marchands et des voyageurs. L'Église les recommandait, comme les malades, aux prières quotidiennes des fidèles. Condamnation du prêt à intérêt, l'usure. Ce qui entrava aussi le développement du commerce au XIIe et au XIIIe siècle, ce fut l'absence d'institutions de crédit. Le droit canonique n'avait pas désarmé dans sa lutte contre le prêt à intérêt, qu'il condamnait sous le nom d'usure. Toutefois, le droit romain remis en honneur au XIIe siècle, enseigné par Accurse et la première école de Bologne, en soutenait la légitimité. Mais l'Église redoubla d'énergie. Le concile de 1179 refusa la sépulture chrétienne aux usuriers impénitents. Celui de 1240 annula leur testament. Celui de 1311 les abandonna à l'Inquisition. Au XIVe siècle, les romanistes eux-mêmes subirent cette influence et la seconde école de Bologne reconnaissait que le prêt y était interdit par les lois ecclésiastiques. Il ne pouvait donc y avoir de prêteurs que des mécréants, c'est-à-dire les Juifs. Tantôt protégés, tantôt persécutés, n'étant jamais certains du lendemain, poursuivis d'une haine aveugle faite d'intolérance religieuse et de jalousie sociale, claquemurés dans leur juiverie, signalés aux outrages de la foule par le costume qu'on leur imposait, le bonnet à cornes et la rondelle jaune sur l'épaule. Chassés des campagnes, exclus des corporations, ils se réfugiaient dans le commerce de l'argent et se vengeaient de leurs insulteurs en leur prêtant à un taux démesurement usuraire. Philippe Auguste les autorisait à prendre 46%. Ce taux s'élevait souvent dans la pratique à 60 ou 100%. On cite un abbé anglais qui fut redevable, au bout de 4 ans, de 840 livres pour 25 livres qu'il avait reçus. L'usurier était un fléau contre lequel les besogneux se défendaient mal. Certaines villes, comme Derby et Leicester, obtinrent comme un privilège de ne plus recevoir d'Israélites dans leurs murs. D'ailleurs, les rois poussèrent souvent les usuriers dans cette voie parce qu'ils y avaient intérêt. Ils se firent leurs complices par les lourdes taxes qu'ils leur imposaient. L'impôt que Richard Cœur de Lion levait sur les Juifs fournissait jusqu'au 13e des revenus du royaume. Et quand, écrasés, ils déclaraient ne pouvoir payer, ils s'appropriaient leurs titres, se substituaient à eux et poursuivaient à leur place les débiteurs chrétiens. Aussi, lorsqu'en 1290, Édouard Ier les expulsa d'Angleterre, on vit dans cette décision une victoire de l'opinion publique, un acte de renoncement de la fiscalité royale. Cependant, malgré les prohibitions de l'Église, et dès le XIIIe siècle, un certain nombre de chrétiens s'adonnèrent au commerce de l'argent. Ce furent des Italiens ou Lombards. Ils savaient se soustraire aux rigueurs canoniques. En effet, partant de la loi romaine, les légistes soutenaient que tout retard dans le remboursement d'un emprunt infligeait un dommage au prêteur, et que celui-ci, en prévision de ce danger, avait le droit d'inscrire une clause pénale dans le contrat de prêt. Cette doctrine paraissait si légitime que les scolastiques durent l'admettre. Grâce à ce détour, des marchands italiens faisaient l'usure aussi bien que les Israélites. Ils prêtaient gratuitement, mais stipulaient, à titre d'indemnité, pour chaque période de retard, des intérêts exorbitants. Le taux des emprunts ainsi contractés s'élevait environ à 60% par an. Ils prirent l'Europe entière pour théâtre de leurs spéculations. En 1236, on en vit arriver un certain nombre en Angleterre, se disant banquiers de la cour de Rome, garantis par elle contre les excommunications locales. Le roi leur accorda sa protection, comme aux Juifs, et pour les mêmes raisons. En France, ils se montrèrent si durs et si cupides qu'ils firent regretter les mécréants. Philippe le Hardi, en 1277, les fit tous arrêter. Mais peu après, il leur vendait au prix de 1 500 000 livres la permission de continuer leur exaction. Philippe le Bel agit de même, singulière façon de restreindre le mal que d'en tirer profit. D'autres chrétiens encore, les manieurs d'argent de Cahors ou Cahorsins, devaient, au XIVe siècle, prendre une part à ce trafic, s'adjoindre aux Lombards et aux Israélites. Ils ne se conduisirent pas mieux et ne furent pas traités avec plus d'égard. Ils exploitèrent et furent exploités. Outre ces usuriers de grande allure, il y en avait bien d'autres dans les campagnes et dans les villes. Mais ils opéraient à la dérobée, dissimulant dans leurs contrats les clauses usuraires sous des apparences irréprochables. L'archevêque de Rouen, Eudes Rigaud, nous apprend que des dignitaires ecclésiastiques, des chanoines entre autres, se rendaient coupables de ce crime. On devine les conséquences d'un tel régime. Toutefois, il ne faut pas, comme on le fait d'ordinaire, exagérer les effets des prohibitions ecclésiastiques. Y voir la principale entrave qui, au Moyen-Âge, paralysa les transactions. Le mal, en effet, était singulièrement atténué par l'usage de la commandite qui commençait à se répandre. Cette opération par laquelle un capitaliste fournit à un commerçant, à un industriel, des fonds qui lui sont nécessaires, moyennant une part dans les profits et sans contracter aucune responsabilité, était autorisée par l'Église. Thomas d'Aquin la considérait comme licite, et le pape Alexandre III l'admettait aussi quand il ordonnait de placer les biens des mineurs dans le commerce, afin de leur faire produire un gain honorable. Les entreprises de longue haleine étaient donc possibles. En certains centres de civilisation avancée, parmi certaines populations d'esprit ouvert, la faveur dont bénéficiait la commandite porta ses fruits. Mais, en thèse générale, les prohibitions eurent pour effet de dérober au commerce une part de ses moyens d'action. Fin de la section 45.